الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فمن أسماء الله الحسنى العلي والأعلى والمتعال يقول الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم ويقول وأن الله هو العلي الكبير ويقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى ويقول إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ويقول تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Ali, Al-A'la et Al-Muta'al. Al-Ali, c'est celui qui est très élevé. Al-A'la, le plus haut. Al-Muta'al, pareillement celui qui est élevé. Voici trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été affirmés dans les textes, comme on le voit ici déjà dans le Coran, et qui nous informent de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Baqarah, dans Ayat al-Kursi, le verset 255 à la fin, « Wa huwa al-Ali al-Azim » Et c'est lui le très haut, l'immense. Dans Surat al-Hajj, « Wa anna Allah huwa al-Ali al-Kabir » C'est un « Na'am » Et c'est Allah qui est le très élevé, le très grand. Dans Surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Ou bien prononce la pureté, Na'am, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Dans Surat al-Layl, Illa btira awajhi rabbihi al-A'la, mais seulement pour la recherche de la face de ton Seigneur, le Très-Haut. Tous ces noms nous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'élévation absolue. Il est élevé, et cela de tout point de vue. فَهُوَ الْعَلِيُّ عُلُوُ الذَّاتِ وَقَدْ اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وعلى جميع الكائنات وباينها قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في ست آيات من القرآن ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه Donc comme nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala a l'élévation absolu. Fahwal Ali, c'est le très haut, il a l'élévation de par son essence, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui-même est élevé. Il est élevé au-dessus de son trône. Et il nous faut savoir que l'arsh d'Allah Azza wa Jal, le trône d'Allah, est la créature la plus grande, la plus lourde et la plus haute également. C'est le toit de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est en dehors de la création, au-dessus des cieux, au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الْعَلِيُّ إِذَنْ بِذَاتِهِ Il est donc élevé de par son essence. Il est au-dessus du arche, qui est la créature la plus haute. Il est également donc au-dessus de l'ensemble des choses. Il n'y a rien d'Allah qui soit dans la création, rien de la création qui soit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en dehors de la création, au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Dans Surah Taha, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Dans six endroits du Coran, thumma istawa al-Arsh, on a également, puis il s'est élevé au-dessus du trône dans Surah Al-A'raf. L'auteur nous dit, Cheikh Abd al-Razzaq, ala wa artafa alayhi, c'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus, qu'il s'est mis au-dessus d'une élévation qui sied à sa perfection, à sa grandeur, à son immensité, exempté soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. Donc, huwa al-ali, ulu'uz-zat, c'est celui qui est élevé de par son essence. Deuxièmement, wa huwa al-ali, ulu'ul-qadr, c'est celui qui est élevé. Un deuxième type d'élévation, c'est ce qu'on appelle ulul qadr, ay ulul sifati, c'est-à-dire il a la perfection absolue, ses attributs sont élevés, ils sont parfaits au-dessus de tout défaut, ils sont sublimes et immenses. Wa huwa ulul sifatihi wa 'azamatiha, c'est l'élévation dans ses attributs et leur immensité. Fa inna sifatihi azimatun la yumathiluha wa la yuqarinuha sifatu ahadin bal la yutiqu al ibad wa yuhitu bi sifatin wahidatin min sifati. Ulou al qadr, l'élévation dans la considération, dans la perfection de ses attributs, dans leur splendeur, dans leur grandeur. L'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits. Et nul parmi ses créatures n'a des attributs qui sont similaires aux attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni même à un attribut qui se rapproche de la perfection des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est semblable à Allah dans la perfection de ses attributs. Et nul, yani ne serait-ce que se rapprocher de la perfection d'Allah Azza wa Jal, tu ne trouves pas cela sur une créature d'Allah Azza wa Jal. Ajoutez à cela que ces créatures, que dans ces créatures, personne n'a la science ou personne n'embrasse de sa science les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte à connaître parfaitement l'attribut d'Allah ou le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons certes une partie de la connaissance. C'est ce qu'Allah azza wa jalla a voulu nous donner comme information. Nous avons le nom de certains attributs, le nom de certains noms. On en comprend le sens, c'est le sens de la langue arabe. Mais on ignore le comment. Nous savons qu'il a la perfection absolue et qu'il n'est pas sujet aux défauts ni aux imperfections. Mais qui connaît le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal? Personne, aucune créature, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Personne n'embrasse totalement de sa science les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-ali, ulou al-qadr. Troisièmement, wahuwa al-ali, ulou al-qahr. علو القهر وهو العلي علو قهر حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. Troisièmement, wa huwa al-ali, ulu qahr. Troisièmement, c'est le Très-Haut. Et ce troisième type d'élévation, c'est qu'il est le plus haut dans la domination. Allah Azza wa Jal est le plus haut de par son essence, il est au-dessus de tout. De par sa perfection et la considération de ses attributs, il est au-dessus de tout. Et ici on voit Ulu Qahr de par sa domination. Il est au-dessus de tout et de tout le monde. C'est lui qui domine toutes choses. Et l'ensemble des choses se soumettent à lui. Il domine tout et tout le monde. Et tout le monde et toutes choses se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide de tout. Le tout père de ses créatures sont dans sa main. Rien ne bouge et rien ne reste immobile si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas une chose qui bouge sans que ce soit par la permission d'Allah. Ni même une chose qui reste immobile sans que cela ne soit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه وهي مندرجة تحت أنواع عديدة يباينها أو بيانها فيما يلي. Puis l'auteur, Hafizahullah Ta'ala, nous dit « Et très nombreuses sont les preuves, et cela de différents types, ces preuves qui nous montrent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de ses créatures. Il y a beaucoup de textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui nous informent de cet attribut d'Allah Azza wa Jal al-Ulu. Le fait qu'Allah soit au-dessus de tout, de par son essence. Qu'il soit au-dessus de tout, par sa perfection, et qu'il soit au-dessus de tout, par sa domination. Très nombreuses sont les preuves qui nous indiquent cela. Dans le Coran, il y a plus de 1000 preuves qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et ces preuves, les savants les ont classées dans différentes catégories. Puis le Cheikh nous en mentionne. Al-Awwal, donc tout ce qu'il va citer ici, ces différentes catégories comprenant des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans l'élévation, c'est-à-dire au-dessus de toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Notez-les. Premièrement, l'awwal, at-tasrihu bil-fawqiyya. At-tasrihu bil-fawqiyya. La première preuve, ou la première catégorie, c'est qu'on a mentionné dans le Coran, de manière explicite, qu'Allah est au-dessus de tout. Qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Dans Surat al-Nahl, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Ça c'est plutôt dans l'An'am. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Et dans Sourate Al-Nahl, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Donc, dans Sourate Al-An'am, c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Au-dessus de ses serviteurs. Dans Sourate Al-Nahl, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Donc dans ces deux versets, on nous mentionne très clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses serviteurs, au-dessus de ses créatures, au-dessus des anges. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, anna Sa'dan hakama ala bani Qurayza an yuqtala minhum kullu min man jarat alayhi al-Musa wa an tusbi dhararihim wa an tuqsama amwaluhum. فذكر ذلك للنبي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيه بحكم الله الذي حكم به فوق 7 سماوات الذي حكم به فوق سبع سماوات رواه النسائي في الكبرى والبزار والحاكم وغيرهم. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqas, dans l'histoire de la traîtrise, la trahison de Bani Qurayza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé le chef d'une des tribus des Ansar de juger Bani Qurayza. Lorsque Sa'd a jugé entre eux et que le jugement fut mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « لقد حكمت فيه au Sa'd, tu as jugé entre eux, ou bien tu as prononcé ton jugement sur eux, بحكم الله, selon le jugement d'Allah, dont le jugement, ou bien celui qui a jugé au-dessus des sept cieux. » Donc ici on nous mentionne que le jugement de Sa'd, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala d'au-dessus des sept cieux. Donc Allah azza wa jal est au-dessus des sept cieux tabaraka wa ta'ala. Ici on nous dit fawqa. Donc ça c'est le premier type de preuve, at-tasrihu bil fawqiyya, qu'on nous mentionne de manière explicite qu'Allah azza wa jal est au-dessus de ses créatures. Al-thani at-tasrihu bil uruji ilayhi. Le deuxième type de preuve, c'est qu'on nous mentionne dans les textes l'ascension vers lui. L'ascension vers lui. L'ascension, c'est le fait de monter. C'est le fait de monter. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. Donc dans sourate As-Sajda, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui. Laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc ici, on nous montre al-uruj, l'élévation, la montée des choses vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surat al-ma'arij, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est équivalente à 50 000 ans. À 50 000 ans. Donc ici on nous dit تعرج الملائكة والروح إليه. Les anges ainsi que le roh, Jibril, montent vers lui. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Il remonte vers Allah en un jour qui équivaut à 50 000 ans. Donc ici à nouveau une preuve qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de toutes ses créatures subhanahu wa ta'ala. الثالث التصريح بالصعود إليه. Le troisième type de preuve est qu'on nous mentionne clairement que des choses remontent vers lui. Avant cela, c'était l'ascension vers lui. Ici, c'est la montée des choses vers lui. Dans sourate Fatir, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Dans sourate Fatir, vers lui monte la bonne parole. Et il élève haut la bonne action. Vers lui monte la bonne parole. Et il élève haut la bonne action. Ainsi, à travers ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation, est au-dessus de ses créatures. Wa fi sahihayn, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, et de l'imam muslim, nous trouvons le hadith d'Abi Hurayrah radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولاسعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Dans ce hadith Abu Huraira رضي الله عنه nous dit le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date provenant d'argent licite. Provenant d'argent licite. Celui qui donne une aumône aussi petite qu'une date. Et cela provient de quelque chose de halal, d'un travail halal, d'argent halal. Et certes, Allah n'accepte que ce qui est bon, que ce qui est pur. فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. Allah accepte cette aumône avec sa main droite, puis il la fait grandir pour celui qui a fait cette aumône, comme l'un d'entre vous élève son poulain. Comme l'un d'entre vous élève son poulain au point de lui faire atteindre la taille d'une montagne. Celui qui fait une aumône équivalent à une date, subhanallah, mais avec de l'argent halal, Allah subhanahu wa ta'ala élève cette aumône jusqu'à ce qu'elle atteigne, jusqu'à ce qu'elle soit semblable à la taille d'une montagne. À la taille d'une montagne, subhanallah. الرابع التصريح برفع بعض المخلوقات إليه. Le quatrième type de preuve, c'est qu'on mentionne de manière explicite l'élévation de certaines créatures chez Allah ou auprès d'Allah ou vers Allah. Donc on élève certaines créatures vers Allah. Ce terme-là qu'on retiendra, vers Allah. قال تعالى بل رفعه الله إليه وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. Parmi les preuves qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation et élevé au-dessus des créatures, c'est qu'on nous mentionne dans certains textes qu'Allah a élevé certaines de ses créatures vers lui et que certaines de ses créatures vont vers lui en parlant d'élévation. Notamment Isa ibn Maryam, notamment Isa ibn Maryam. Mais Allah l'a élevé vers lui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Ça prouve qu'Allah est dans l'élévation. Vous savez tous que ils ont prétendu avoir assassiné Isa ibn Maryam, Rasulullah, alayhi salam. Et ils ont prétendu par la suite l'avoir crucifié. Allah subhanahu wa ta'ala dément ce mensonge. وَمَا قَتَلُوهُ. Ils ne l'ont pas tué. وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont ni crucifié. Allah nous dit بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. بَلْ, c'est pour corriger. Mais plutôt, Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé vers lui. Isa ibn Maryam n'est pas mort. Et comme c'est mentionné dans le hadith, à la fin des temps, il descendra. Et il suivra la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il se réunira avec les musulmans. Et il combattra Ad-Dajjal alayhi salam. Dans Suratu Al-Imran, إني متوفيك ورافعك إلي. Je vais te saisir et t'élever vers moi. Et les savants divergeaient sur le sens de متوفيك. Et beaucoup ont dit قابضك. C'est pour cela que j'ai traduit ainsi. الخامس التصريح بتنزيل الكتاب منه. Le cinquième type de preuve, la cinquième catégorie, c'est qu'on nous mentionne de manière explicite la révélation du livre, la descente du livre émanant de lui. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous mentionne que le livre a été révélé, a été descendu de la part d'Allah. Et si les versets sont descendus donc du, par définition du haut vers le bas, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est en haut. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est dans l'élévation. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dans sourate Az-Zumar, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Dans sourate Sajda, la descente ou la révélation du livre au sujet duquel il n'y a aucun doute de la part du Seigneur des mondes. De la part du Seigneur des mondes. As-sadis, at-tasrihu bi-annahu ta'ala fi-s-sama'. Sixièmement, on nous mentionne de manière explicite qu'Allah le Très-Haut est dans l'élévation. Est dans l'élévation. Qala ta'ala, a-amintum man fi-s-sama'a ayakhsifa bikum al-ardha fa-idha hiya tamur. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. Donc le sixième point est que dans les textes on nous mentionne de manière explicite qu'Allah Azza wa Jal est fissama. Il y a deux sens de comprendre cela. Fissama, as-sama, lughatan, kullu ma 'ala wa irtafa. Le terme as-sama dans la langue arabe, ça signifie toute chose qui est élevée. Les Arabes appellent le toit par exemple as-sama. Ils appellent les nuages as-sama. Tout ce qui est élevé, en arabe, on appelle cela as-sama. Par exemple, au début de Surat al-Baqarah, wa anzalna min as-sama'i ma'a. Et on a fait descendre des nuages de l'eau. Pour mentionner les nuages, on a dit as-sama. Wa anzalna min as-sama'i ma'a. On a fait descendre des nuages de l'eau. L'eau est lâché par l'ordre d'Allah Azza wa Jal de, des nuages. Ainsi, celui qui prend l'avion, il pleut en dessous de lui, du fait que la pluie tombe du nuage, des nuages. Donc ça, c'est le premier sens. Fissama, c'est-à-dire dans l'élévation. Dans l'élévation. Le deuxième sens, c'est que fi bima'na ala. Fi Al-Dharfiya peut prendre le sens de Al-Ulu, de l'élévation. De l'élévation. Dans le sens de au-dessus de. Au-dessus de. Comme Allah dans le Coran, La usallibannakum fi judhu'i nakhl. Fasiru fil ard. Irhamu man fil ard. Yarhamkum man fil sama. Ay ala. Donc des fois le sens de fi ou bien fi prend le sens de ala, et c'est connu dans la langue arabe que les particules peuvent prendre le sens les unes des autres. Donc ici ala ou plutôt fi peut prendre le sens de ala, donc ça devient au-dessus de. Et as-sama, c'est-à-dire les cieux. Ainsi le sens serait au-dessus des cieux. Soit on dit Allah est dans l'élévation, pour traduire, soit nous disons au-dessus des cieux, et les deux sens sont bons et justes. Les deux sens sont bons et justes. Dans Sourate Al-Mulk, on nous dit sur la traduction des sens de ces versets, 16 et 17, êtes-vous à l'abri que celui qui est dans l'élévation vous enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est dans l'élévation envoie contre vous un ouragan de pierre vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Une deuxième traduction possible, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux vous enfuit sans la terre, et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux envoie contre vous un ouragan de pierre, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc ici on nous mentionne clairement qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de la création. Dans le recueil de l'imam muslim, Muawiyah ibn al-Hakam nous mentionne ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa servante, Aïn Allah, où est Allah? Il lui a posé deux questions pour tester la véracité de sa foi, ou sa foi tout court, en lui disant, Aïn Allah, où est Allah? Elle a répondu, Fis Sama, elle a dit, dans l'élévation, ou bien au-dessus des cieux. Puis il lui a dit, qui suis-je? Elle répondit, ou elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, affranchis-la, elle est croyante. Affranchis-la, car elle est croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé bon de l'interroger sur l'élévation d'Allah azza wa jal, un des attributs les plus importants que doit avoir comme croyance le musulman pour tester la véracité de sa foi. Et de ce hadith, tu vois la permission de demander sur Aïna pour Allah, la permission de demander sur où pour Allah Azza wa Jal. Ici, c'est qui est-ce qui pose cette question? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se tromper dans ces choses-là? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné le jariya en lui disant Aïn Allah, où est Allah? Et tu trouves parmi les sectes égarées certaines qui éduquent leurs adeptes sur l'interdiction de questionner sur le lieu pour Allah. Et ils disent Allah est nulle part. À l'extrême, il y a d'autres personnes qui disent Allah est partout. Subhanallah. Ceux qui disent Allah est nulle part, les savants disent voici des gens qui ont perdu la divinité qu'ils adorent. D'autres ont dit Allah est partout. Subhanallah. Le trône d'Allah, le kursi d'Allah même, qui n'est même pas la plus grande des créatures d'Allah, à son sujet Allah nous dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Le repose-pied d'Allah Azza wa Jal déborde les cieux et la terre. Que dire alors du trône? Et Allah est Akbar, et encore plus grand que tout cela. Comment est-ce qu'il pourrait être partout? Comment est-ce qu'il pourrait être dans la création? Allah est Akbar, et il est plus grand que tout cela. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, Aïn Allah, où est Allah? Elle a répondu, Fis Sama. Le prophète sallam a acquiescé sa réponse. Il a jugé bonne sa réponse. C'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation. Dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, on trouve le hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, ceux qui ont de la pitié, ceux qui ont de la miséricorde, le tout miséricordieux aura de la miséricorde en eux. C'est-à-dire, ceux qui ont de la pitié envers les créatures d'Allah, ceux qui ont de la rahma, Allah subhanahu wa ta'ala aura de la pitié envers eux, aura de la miséricorde envers eux. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans l'élévation en aura pour vous. Et remarquez ici qu'on utilise le terme fi irhamu man fil ard. Ayez de la pitié pour ceux qui sont sur la terre. On a utilisé fi pour dire ala. Celui qui est au-dessus des cieux, celui qui est dans l'élévation aura de la miséricorde pour vous. Ou vous fera miséricorde. السابع التصريح برفع الأيدي إليه. La septième catégorie de preuve, le septième type de preuve, c'est les textes explicites qui mentionnent l'élévation des mains, le fait de lever les mains vers Allah. Quand tu fais dua, tu demandes à qui? Idha sa'alta fas'alillah. Comme le prophète a dit, quand tu demandes, demande à Allah. Donc quand on fait dua et qu'on lève nos mains, on invoque qui? On invoque Allah. Et nos mains, on les lève vers qui? On les lève vers Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith apporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Salman al-Farisi radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إلى يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Dans le hadith, certes Allah est pudique, noble, il a honte lorsque l'un d'entre vous lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. De les lui rendre vides. Donc lorsque tu lèves tes mains vers lui, comme c'est mis dans le hadith, إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ, lorsque l'homme lève vers lui ses mains, vers Allah Azza wa Jal. Donc, ça nous prouve qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation. Et un des anciens, qui avait beaucoup de science, mais avait des défauts dans la croyance, parlait et citait tout type de rhétorique et de mauvaise argumentation sur cet attribut d'Allah Azza wa Jal, comme quoi il est élevé. Puis un homme lui a dit, mets tout cela de côté. Informe-moi juste d'une seule chose. Quelle est cette chose que tout le monde a en soi lorsqu'on demande à Allah le besoin de se diriger vers le haut? Toute personne qui demande à Allah ressent le besoin de se diriger vers le haut. Cet homme a cessé de parler et pendant le reste de sa vie, il disait, cette question m'a perturbé, subhanallah. C'est-à-dire, sans entrer en détail dans les textes, sans polémiquer, juste ce point-là, il suffit, tout le monde se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, de par ce sur quoi Allah nous a naturellement créé, de par ce sur quoi Allah azza wa jalla nous a créé. Avec la fitra, on se dirige vers le haut. Donc, le fait de lever les mains vers le haut, vers Allah Azza wa Jal, est une preuve qu'Allah Azza wa Jal est en haut. Al-Thamin, le huitième type de preuve, Al-Isharatu ilayhi hissan ila al-ul, kama ashara ilayhi min man huwa a'lamu bih, lamma kana salawatullahi wa salamu alayhi bin majma'i al-a'zam, fil yawmi al-a'zam, qala lil-nas, وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات. Le huitième type de preuve, le fait de diriger son doigt vers le haut, vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le jour le plus grand, dans la réunion la plus grande, durant le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est comme il nous l'a appris, a'lamukum billah wa atqakum lah, celui qui connaît le mieux Allah et qui le craint le plus, celui qui nous a été envoyé pour nous apprendre la religion d'Allah et les droits d'Allah, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam, durant ce grand rassemblement, qui s'est adressé aux compagnons en leur disant, vous serez interrogés à mon sujet. Qu'allez donc vous dire? Il répondit, Nashhad, nous témoignons, Anna Kaballaut, que tu as transmis, wa addayt, que tu t'es acquitté, wa nasahat, que tu as donné à chacun son droit, que tu as été un parfait conseil. Faqala bi isbi'i, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec son doigt, as-sababa, l'index, yarfa'uha ila sama, en le levant vers le ciel, wa yankutuha ila nas, ça veut dire qu'il mettait son doigt vers le ciel, puis il le dirigeait vers les gens. Et il disait, oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Et il a dit cela à trois reprises. Il a dit cela à trois reprises, en dirigeant son doigt vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voici à nouveau une preuve, dans le recueil de l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, dans le long hadith décrivant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici le prophète sallam diriger son doigt vers le ciel. Ça prouve qu'Allah azza wa jal est dans l'élévation. At-tasi' neuvièmement, ikhbaruhu sallallahu alayhi wa sallam annahu taraddada bayna Musa alayhi salam wa bayna rabbihi laylat al-mi'raj بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات وحديث المعراج مخرج في الصحيحين وغيرهما. Le neuvième type de preuve est l'information transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'ascension, la nuit du voyage nocturne, le fait qu'il soit monté vers Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné les 50 prières. Dans le voyage nocturne, dans l'ascension précisément, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam, après qu'il eut dépassé le premier ciel, le second, le septième, puis cela, un endroit que même Jibril alayhi salam n'a pas dépassé, Allah azza wa jalla lui parla de vive voix. Et il lui ordonna 50 prières. Khamsina salah. Khamsina salah. Puis le prophète sallam est descendu. Arrivé au niveau de Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam lui a dit, que t'a ordonné ton Seigneur? Et il lui a dit, il m'a ordonné à moi, ainsi qu'à ma communauté, 50 prières. Moussa alayhi salam lui a dit, irji ila rabbik, radi'hu. Reviens vers ton Seigneur, wasalhu takhfif. Et demande-lui à ce qu'il t'allège. Reviens vers ton Seigneur et revois cet ordre-là. Demande-lui qu'il t'allège. Et dans le hadith, il est mentionné que le prophète sallam à plusieurs reprises est monté vers Allah azza wa jal, puis est redescendu au niveau de Moussa alayhi salam. Au final, Allah azza wa jal a allégé ses 50 prières qui sont passés au niveau de 5. Et on nous dit elles sont au nombre de 5 dans le chiffre, mais au nombre de 50 dans la récompense. Quand tu pries ces 5 prières, c'est comme si tu en priais 50 dans la récompense. Dans la récompense. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans l'ascension et qu'on lui ordonna la salat, il est monté vers qui et qu'est-ce qui lui a ordonné la salat? Dites-moi, il est monté vers qui? Allah Azza wa Jal. Qui peut donner un ordre au prophète alayhi salatu wa salam? Si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Moussa alayhi salam lui a dit de remonter vers qui? De demander l'allègement à qui? À Allah. Ainsi, le prophète salam est remonté. Donc ça, c'est une preuve des plus explicites. Une preuve très claire quant au fait qu'Allah Azza wa Jal soit dans l'élévation au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est dans le Bukhari Muslim. Ce sont les hadiths les plus authentiques. Al-Ashir, dixièmement, ikhbaruhu ta'ala عن فرعون أنه رام السعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. La dixième preuve, ou le dixième type de preuve, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran. Allah le Très nous informe dans le Coran au sujet de Pharaon, qui a pensé ou qui a voulu escalader les cieux, monter vers le ciel, afin d'apercevoir la divinité de Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il l'a démenti. Pourquoi? Parce qu'il l'a démenti. Il a démenti qui au sujet de quoi? Il a démenti Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa informa Pharaon que son Seigneur, la divinité qu'il unique, la divinité unique, la, sa divinité unique, la seule qui est en droit d'être adorée, Allah Azza wa Jalla, est au-dessus des cieux, Pharaon a accusé de mensonge Moussa. Ainsi, il a demandé à son ministre de lui construire comme une colonne afin qu'il puisse monter dans le ciel pour vérifier l'information de Moussa. C'est la preuve que Moussa avait dit à Pharaon qu'Allah est au-dessus des cieux. Ainsi, dans Surat Ghafir, Allah nous dit: وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أي إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من الله من أن الله في السماء فمن نفع علو الله ففي شبه من فرعون ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه السلام ونهج جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. La traduction, l'essence du verset. Et Pharaon dit: Ô Haman, Haman c'est le ministre de Pharaon. Ô Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je la divinité de Moussa. Et peut-être apercevrai-je la divinité de Moussa. Mais je pense que celui-ci est un menteur. Mais je pense que celui-ci est un menteur. Ainsi, la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. C'est-à-dire, je pense que Moussa est un menteur dans ce qu'il nous informe quant au fait que son Seigneur, que Allah, soit dans l'élévation au-dessus des cieux. Ainsi, celui qui renie l'élévation d'Allah au-dessus des cieux a une ressemblance avec qui? Avec Pharaon. Avec Pharaon, des pires créatures d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a dit, Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Celui qui a dit, je ne connais pas pour vous de divinité en dehors de moi. Celui qui assassinait celui qui voulait adorer autre que lui. Celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus des cieux, n'est pas dans l'élévation. Il aura une ressemblance avec Pharaon. Il aura une ressemblance avec Pharaon, qu'Allah nous en préserve. Quant à celui qui affirme qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux, il sera sur le chemin de qui? Du prophète Moussa alayhi salam. Sur le chemin du prophète Moussa alayhi salam, kalimullah, wa rasoulu, wa ahadi ulil azmi min ar-rusul. Et ainsi, il sera également sur la voie de tous les prophètes. Car leur croyance est unique. فَهَذِي الْأَدِلَّةُ وَنَظَائِرُهَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَضَمَّنَتْ إِثْبَاتُ عُلُوِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ عَالٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ بَلْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بَلْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ كما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر متقرر مجموع عليه بين سلف الأمة وأمة المسلمين. Ainsi, ces preuves, donc combien de types de preuves nous a mentionné ici l'auteur? 10 types de preuves. 10 types de preuves qui prouvent qu'Allah Azza wa Jalla est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Donc, ces preuves mentionnées, ces 10 types, comprenant plusieurs preuves, et d'autres preuves semblables dans le Coran et la Sunna, renferment l'affirmation, comprennent l'affirmation de l'élévation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit élevé au-dessus de tout. Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de tout, en haut de tout, plus haut que tout. Et il n'y a rien qu'il soit au-dessus de lui. C'est plutôt Allah qui est au-dessus du trône sublime et immense, comme il nous informe de cela. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son messager nous en a informé. Et c'est une information, c'est une croyance qui est connue et reconnue par l'ensemble des pieux prédécesseurs et des imams de l'islam et des imams de l'islam. Les anciens ne divergeaient pas à ce sujet. Mais lorsque l'ignorance s'est répandue et que les égarements ont vu le jour, alors les gens polémiquaient dans cette question religieuse qui pourtant est très claire dans le Coran et la Sunna, comme vous l'avez entendu. Walillahi alhamd. Puis il a mentionné des exemples. Hafidhahullahu ta'ala. Wa qala Abu Nasr al-Sijdi. السجدي رحمه الله في كتاب الإبانة وإمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى نو منسيان إنو غلط صفر. أبو نصر السجدي رحمه الله نجي في son livre الإبانة. Et nos imams, nos guides religieux, savants de l'islam, à l'image de Sofiane al-Thawri, de l'imam Malik ibn Anas, de Sofiane ibn Uyayna, de Hamad ibn Salama, de Hamad ibn Zayd, de Abdullah ibn Mubarak, de Fudayl ibn Iyad, de Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad, de Ishaq ibn Rahawayn, son compagnon, tous ces imams-là et d'autres sont d'accord pour dire qu'Allah, exempt soit-il de tout défaut, est de par son essence au-dessus du trône. Est de par son essence au-dessus du trône. Et que sa science est partout. Donc Allah lui-même est au-dessus du trône, mais la science d'Allah embrasse toutes choses. Allah Azza wa Jalla lui-même est au-dessus des créatures, au-dessus de tout, en dehors de la création, mais la science d'Allah est partout et rattachée à toute chose. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim bi kulli shay'in muhit. Allah embrasse de sa science toute chose et il est savant de toute chose. Mais lui, Allah, de par son essence, il n'est pas partout. Il est akbar, il est plus grand que cela, il est plus immense que cela. Il est au-dessus de sa création, au-dessus de ses créatures. والإيمان بعلو الله على خلق يورث العبد. Ou avant cela, une histoire qui a eu lieu à l'époque de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, ce grand savant de l'islam, cet imam de la mosquée du prophète sallam et son grand savant, savant de cette ville à son époque. Un homme est rentré dans la mosquée du prophète alayhi salat wa sallam et a dit ya imam, puis lui a mentionné le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du Arsh. Kayfa istawa? Comment s'est-il élevé au-dessus du trône? Quel est le comment de cet attribut? Et vous savez tous que c'est interdit de questionner sur le comment d'Allah, sur le comment des attributs d'Allah. Alors l'imam Malik a baissé la tête. Les savants disent de par la grandeur et la gravité de la question de ce serviteur faible sur son Seigneur immense. Le serviteur faible pose une telle question sur son Seigneur immense, son Créateur, au point où il a sué. Puis il a relevé la tête et il lui a dit Al-Istiwa ma'loum. Al-Istiwa ma'loum. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فأخرجوه من المسجد لا أرى فيه إلا مبتدع. L'imam Malik rahimahullah ta'ala nous a donné une règle. Il a répondu à cette question de manière ferme. Ainsi on a une règle. Et cette règle est tirée du Coran et la Sunna, en conformité avec les textes et le consensus des anciens. Il lui a dit, Al-Istiwa ou Ma'lou. Cet attribut, le fait qu'Allah soit élevé, particulièrement au-dessus de son trône, c'est connu. Cet attribut est connu et le sens de l'Istiwa est connu dans la langue arabe. Ay ala wa rtafa. وصعد واستقر. Al-Istiwa a quatre sens chez les Arabes. Et ces sens-là sont bons pour ce thème-là. Donc il va dire Al-Istiwa ma'lum. Parce que les textes, on les comprend sur la langue arabe. Le Coran a été révélé dans une langue arabe claire, bilisan arabi mubin, sur un messager arabe, dans un peuple arabe. Donc on doit comprendre ces textes selon la langue arabe pure. Il lui a dit Al-Istiwa ma'loum. Al-Istiwa c'est connu. Le sens de l'Istiwa c'est connu. C'est-à-dire s'élever, être au-dessus d'eux. Deuxièmement, il lui a dit Wal-Kayf ou Majhoul. Le comment de l'élévation d'Allah n'est pas connu. On ne connaît pas le comment des attributs d'Allah. On connaît le sens. On connaît le terme. On y croit, on l'affirme. Mais quant au comment, on ne connaît pas le comment des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est une innovation et un grand mal qui s'appelle At-Takyif. Le fait de questionner sur le comment d'Allah, c'est interdit. C'est très grave. Et le fait de chercher le comment d'Allah ou s'imaginer le comment d'Allah, c'est blâmable et c'est très grave. Allah a un comment, personne ne le connaît, si ce n'est lui. Parce que pour connaître le comment d'une chose, tu as plusieurs façons, plusieurs manières. La première, c'est d'avoir vu cette chose, pour pouvoir dire le comment. Et personne n'a vu Allah Azza wa Jalla. La deuxième, c'est de voir une chose similaire, ayant les mêmes attributs, une chose identique. Ainsi, on te demandera le comment. Tu diras, c'est comme cette autre chose. Il est pareil. Mais Allah nous dit, laisse ka mithli shay. Il n'y a rien qui lui soit similaire. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comme Allah dans ses attributs. La troisième chose, c'est qu'on t'informe du corps. Et ces trois causes-là n'ont pas eu lieu ni du temps du prophète, ni après. Ainsi, on ne connaît pas le corps. Donc l'imam Malik rahimahullah a dit « Wal-kayf majhoul ». Le comment, on l'ignore. Puis il a dit wal iman bi wajib, dit de croire à cet attribut, d'avoir comme croyance qu'Allah est au-dessus de son trône, comme il l'a dit dans le Coran, dans 6 versets du Coran. Wajib, c'est obligatoire, parce qu'Allah nous a ordonné d'avoir foi, et entre dans la foi aux paroles d'Allah Azza wa Jalla. والإيمان بواجب. On est obligé d'avoir cette croyance. C'est la croyance du Coran de la Sunna. Puis il lui a dit, وَسُؤَلُ عَنْهُ بِدْعَةً. De demander sur le commandement d'Allah, c'est une innovation religieuse. C'est une nouveauté qui n'existe pas en islam. Parce que Allah ne l'a pas mentionné dans le Coran. Les compagnons n'ont pas demandé au prophète sallam. Ce sur quoi ils se sont tus, on a l'obligation de se taire. Puis il a dit, faites sortir cet homme et virez-le de la mosquée. Je ne vois en lui qu'un innovateur. Je ne vois en lui qu'un extrémiste qui rajoute des choses dans la religion et qui change la religion d'Allah Azza wa Jalla. À cette époque, la vérité était connue et propagée. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et pour que ce soit un avertissement pour toute personne qui viendra après lui, pour que les gens aient peur de tomber dans l'innovation. Par contre, dans un endroit ou à une époque où il y a beaucoup d'ignorants, alors on enseigne tout simplement à la personne la bonne croyance et on le corrige sur cela. Il y a aussi l'histoire de Al-Mujadila. Comme dans Sourate Al-Mujadila, une femme est venue chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne l'a pas trouvé. Ou plutôt, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son époux pour des points précis, le fait de vouloir prendre les enfants après qu'elle les ait allaités et ainsi de suite. Aïcha radiallahu anha nous dit, par Allah, elle était dans une partie de la pièce. Elle s'exprimait, c'est-à-dire à voix basse, Rasulallah l'écoutait. Et moi, j'étais dans la même pièce. Elle dit, j'entendais certains mots et je n'en entendais pas d'autres. Puis elle fait les éloges d'Allah. Elle dit, Allah, au-dessus des sept cieux, l'a entendu. Allah, au-dessus des sept cieux, l'a entendu. Subhanallah. Et a révélé, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Et beaucoup de textes encore nous montrent qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation. Il est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Il n'est pas mélangé dans sa création. Il est au-dessus de ses créatures. Et il est spécialement, ou particulièrement disons, élevé au-dessus du arsh, Ar-Rahman al-Arsh istawa, thumma istawa al-Arsh, dans 6 versets du Coran. Et on retient que l'Arsh, c'est la créature la plus grande, la plus lourde et la plus haute. Et c'est le toit de la création. C'est le toit de la création. Et Allah Azza wa Jalla est au-dessus. Donc il n'est pas dans sa création. Il n'est pas dans sa création. Par contre, de par sa science, il est partout. C'est-à-dire qu'il embrasse de sa science toute chose. Il sait tout. Rien ne peut lui être caché, subhanahu wa ta'ala. والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. L'auteur, pour finir, nous dit, Rahim, Hafidhahullah Ta'ala, avoir foi en cet attribut d'Allah, le fait qu'il soit élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, procure au serviteur des états du cœur, fait naître dans le cœur du serviteur et sur le serviteur l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit en cet attribut d'Allah, quant au fait qu'Allah soit élevé au-dessus de toutes ses créatures, ça développera dans son cœur cette considération pour Allah. Le fait qu'Allah azza wa jal soit le plus immense, ça va faire en sorte qu'il immensifie Allah, qu'il se soumette à lui, qu'il s'habilie devant son Seigneur, qu'il s'humilie devant lui, qu'il se fragmente et se décompose devant sa magnificence. Aussi, ça va avoir pour effet le fait qu'il proclame la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa perfection, et son éloignement absolu devant tout défaut et toute imperfection. Tout comme ça le poussera à être sincère dans l'ensemble des actes d'adoration. Celui qui sait qu'Allah est le plus haut, qu'Allah azza wa jalla est au-dessus de tout, et que c'est le dominateur suprême, et qu'il a la perfection dans ses noms et ses attributs, et que de par son essence également il est au-dessus de tout, il va vouloir adorer que cette divinité, que ce Seigneur, parce que c'est le plus haut. C'est le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. C'est donc le seul qui mérite qu'on se prosterne pour lui, qu'on jeûne pour lui, qu'on sorte la zakat pour lui, qu'on fasse la umra et le pèlerinage pour lui, qu'on lui donne l'amour, la crainte, l'espoir et toute forme d'adoration. Cette croyance en cet attribut nous éloignera du shirk et d'assigner à Allah des égaux. Tu sais qu'Allah, c'est lui le seul à être le plus haut, à être le plus grand, à être le dominateur, à avoir la perfection. Comment est-ce que tu pourrais lui donner un égal alors qu'il n'en a pas, subhanahu wa ta'ala? Comment tu pourrais lui donner un associé à qui tu donnerais des parts d'adoration comme tu adores Allah alors que c'est lui le plus haut? C'est pour cela que dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceci est, car Allah est le vrai ou bien la vérité. Quant à ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et certes, Allah est le plus haut et le plus grand. Certes, Allah est le plus haut et le plus grand. Wa anna Allah huwa al-aliy al-kabir. Également dans Surat Saba, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Ils n'ont jamais été associés dans leur création. C'est-à-dire, personne parmi ces fausses divinités, aucune parmi ces fausses divinités, s'est associée à Allah pour créer tout cela. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Donc il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal n'a pas avec lui une fausse divinité qui possède avec Allah. Troisièmement, Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé qui s'associe à lui pour faire, ni de ministre qui l'aide à faire. Et toutes les causes qui pourraient pousser la personne à adorer qu'Allah, elles sont coupées. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Ensuite, on nous dit, il n'a personne pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Même l'intercession, personne ne peut intercéder si ce n'est avec la permission d'Allah. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité. C'est lui le plus haut et c'est lui le grand. Ainsi, on finit l'étude de ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, celui qui est dans l'élévation le plus haut, Al-A'la, celui qui est le plus haut, et Al-Muta'al, Wallahu A'lam, wa salli Allahumma wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.